إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc aujourd'hui on continue le cours 54. Aujourd'hui c'est le cours 54 dans Al-Mulakhas Al-Fiqhi, dans les règles du Hajj, Ahkam Al-Hajj. Et on est arrivé au chapitre qui dit Babun fi Ahkam Al-Hajj allati tuf'alu fi ayyam al-tashriq wa tawaf al-wada'. C'est-à-dire les règles du Hajj en ce qui concerne qu'est-ce qu'on doit faire durant les jours qu'on appelle les jours de tashriq et le tawaf al-wada', c'est-à-dire le tawaf d'adieu. Le cheikh il explique maintenant à partir du point où on était rendu hier, lorsqu'on a terminé de faire le tawaf et de faire as-sa'i après les rites de Yawm al-Nahr. Donc qu'est-ce qu'on fait par la suite lorsqu'on a terminé de faire le tawaf et as-sa'i? Le cheikh il dit ba'da tawaf al-ifada Yawm al-Eid يرجع إلى منى ويبيت بها وجوبا. لحديث ابن عباس قال لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سياقته. رواه ابن ماجه. فيبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات لليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. Le cheikh explique ici que après avoir fait tawaf al-ifada et al-sa'i, donc ça c'est le jour de Eid, les gens retournent à Mina, et ça c'est obligatoire pour les gens dans le hajj de dormir à Mina. Et ça c'est basé sur le hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhuma dans. Et il est rapporté par Ibn Majah, et dans ce hadith, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné la permission à personne de dormir à Mecca, excepté pour son oncle Al-Abbas, min ajli siyaqatihi. Excepté pour son oncle Al-Abbas à cause d'une raison qu'il avait, saqayatihi. C'est-à-dire peut-être que c'est lui qui s'occupait peut-être de l'eau ou des trucs de ce genre, donc peut-être à cause de ça il ne pouvait pas dormir à Mina, donc il lui a donné la permission, mais à personne d'autre a-t-il donné cette permission là. Donc ça c'est rapporté par Ibn Majah. Ensuite le cheikh il dit fayabitu bimina 3 layalin. Donc il dit que le hajj, la personne qui fait le hajj, elle doit dormir à Mina pendant 3 nuits, sauf si elle est pressée. Dans ce cas-là elle peut faire 2 nuits seulement, la nuit du 11 et la nuit du 12 du mois de Dhul-Hijjah. Donc le minimum obligatoire c'est de dormir 2 nuits, et qu'est-ce qui est mieux, c'est de faire 3 nuits à Mina. Le cheikh dit yusalli salawat fiha qasran bila jam' bal kullu salatin fi waqtiha. Le cheikh il dit que on doit prier chaque prière à Mina en la raccourcissant. Toutefois, on ne jumelle pas les prières ensemble. C'est-à-dire, on prie pas les deux plus qu'une prière. C'est-à-dire, on réunit pas 2 prières. Comme par exemple à Muzdalifa ou à Arafat, où on priait par exemple le dhuhr avec l'asr ou le maghrib avec l'isha, on fait pas ça à Mina. On prie chaque prière dans son temps. Toutefois, on raccourcit les prières qui sont de 4 à 4, on les fait seulement 2. Après, il dit وَيُرْمِي الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ كُلْ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى أَمَّا بَعْدَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. Le cheikh il dit que, ah oui, après il dit, wa qala ibn Umar, kunna natahayyana fa'idha zala shams ramayna, rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud. Wa qawluhu natahayyan, ay nuraqib al-waqt al-matloub, li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, li ta'khudhu anni manasikakum. Donc le cheikh explique ici que, on lance les jamarat, on retourne, c'est-à-dire le lendemain de Yom al-Nahar, hein, le jour où on a fait tous les rites du Hajj, le lendemain, c'est-à-dire le 11, on va pour lancer les pierres encore au jamarat, et on le fait après que le temps de Dhuhr est rentré, par des zawal, c'est-à-dire lors du zénith. Okay? Et ça, c'est basé sur le hadith de Jabir, radiallahu anhu, qui est rapporté par Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Et dans ce hadith, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a lancé les jamarah. La Jamra, le jour de An-Nahr, Yom al-Eid, le jour de Eid, il a fait à l'avant-midi, c'est-à-dire avant la prière de Dhuhr. Qabl al-Nahr. Toutefois, les jours qui suivent après, c'est après le Dhuhr, après le Zénith. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a rapporté. On a mentionné déjà les références de ce hadith. Ensuite, il mentionne un autre hadith qui est en fait une parole de Ibn Omar qui dit que en parlant des sahaba, il dit nous surveillons, on avait l'habitude de surveiller le soleil jusqu'à ce que le zénith arrive, et lorsque le zénith arrivait, là on commençait à lancer les jamarat, à lancer les pierres. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Abu Daoud. Et dans le hadith, il y a le terme natahayyan, et ça veut dire nuraqib, c'est-à-dire on prenait le temps de surveiller comme il faut quand est-ce que le temps voulu arrive, hein, quand est-ce que le temps du zénith arrive ou de dhuhr arrive pour commencer à lancer les pierres. En se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ, pour que vous preniez de moi vos rites du Hajj. Ensuite, le cheikh explique maintenant qu'est-ce qui a rapport avec les jamarat. Il dit فَرَّمِي فِي الْيَوْمِ الْحَادِ عَشَرِ وَمَا بَعْدَهُ يَبْدَأُ وَقْتُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَهُ لَا يُجْزِئُ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله وقال خذوا عني مناسككم فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجوز قبل وقته لأن العبادات توقيفية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة قال ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك فبات بها فلما أصبح انتظر زوال الشمس فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر ثم يتقدم إلى الجمرة أمامها حتى أسهل فقال مستقبل القبلة فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك ثم اندحر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه مستبطن الوادي فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه فرماها بسبع حصيات كذلك إلى أن قال فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها يعني جمرة العقبة فقيل لضيق المكان بالجبل وقيل هو أصح إن دعاه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي فالدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها هذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة وإذا كان يدعو في صلبها انتهى كلامه. Donc le cheikh explique ici que on lance les pierres dans à la jamarat ou jamarat le jour du 11 après que le temps de Dhuhr soit rentré et de le faire ou pas avant ça c'est pas ça compte pas si tu le fais avant ça ça ne compte pas il faut le faire après le Dhuhr parce que le prophète sallam a déterminé ce temps là par son action et il a dit prenez vos rituels du Hajj de moi c'est à dire suivez mon exemple et donc comme il n'est pas permis de faire la prière avant son temps il n'est pas permis de lancer également les pierres avant son temps parce que les adorations sont c'est à dire qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose des adorations excepté si c'est basé sur des preuves et des textes de la révélation. قال الإمام donc l'imam al-allama ibn al-qayyim al-jawziya a décrit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lançait les pierres comme c'est mentionné dans la sunna et il dit puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait de al-ifada après avoir fait son tawaf il revenait à Mina le jour même et il dormait là-bas et lorsque il se levait lorsque le matin l'aube arrivait il attendait jusqu'au lever du soleil et il attendait jusqu'au zénith et lorsque le zénith arrivait il marchait il marchait jusqu'au jamarat et il ne prenait pas sa monture pour y aller il allait à pied et il commençait par la première jamarat contrairement à auparavant il commençait par la première jamarat c'est-à-dire celle qui est près de Masjid al-Khif c'est-à-dire il ne commence pas par jamarat al-Aqaba il commence par la première en arrivant lorsqu'il part vers Mecca lorsqu'il va de Mina vers Mecca il arrive en premier vers la première jamarat donc il commence par celle-là et il lance sept pierres sur la première jamarat donc il lance sept pierres une après l'autre à chaque pierre il dit Allahu Akbar et ensuite il se dirige vers l'autre jamra qui suit hein, la deuxième jamra et il s'en va là-bas et il se tourne vers la Qibla en direction de la Qibla et il lève ses mains et il fait un dua très prolongé il faisait un dua tellement long qui c'est comparable à la longueur de Sourate Al-Baqara, dans la longueur de dua qu'il faisait. Et ensuite, il lançait les pierres à la Jamra, comme on a dit. Et ensuite, il continuait et il faisait ça aussi pour la troisième Jamra. Puis lorsqu'il avait complété ça, il retournait à Mina. hein, retourner à Mina encore pour dormir, etc. Et il y a des descriptions de comment il se tournait vers la direction de la Kaaba et quand il faisait le doua, etc. Donc, yani, il explique aussi qu'après la troisième jamra, il ne faisait pas de doua parce qu'il avait terminé de lancer les jamarat. C'est comme la, dans la prière, on fait des doua, mais après la prière, il n'y a pas de doua dans la sunna. Hein, quand on termine la salat, il n'y a pas de doua prescrit spécifique, c'est seulement les adhkar. Et donc, il y a des gens qui font des doua après la prière, mais ça c'est incorrect, hein, de lever les mains et de faire doua après la prière. La même chose pour les jamarat. C'est entre les jamarat qu'on fait des doua, mais pas à la fin. Après avoir terminé les trois, on ne fait pas de doua spécifique. Donc, après, le cheikh, il dit, après avoir expliqué ces paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, il dit لا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى ثم الجمرة الكبرى تسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة ويرمي كل جمرة يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية يرفع مع كل حصاة يده ويكبر ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك فإن لم تقع في الحوض لم تجزئ. Le cheikh explique ici que pour les jamarat, il faut le faire de la façon suivante, c'est-à-dire de commencer par la première jamra, c'est celle qui est près de, la plus près de Mina, hein, lorsqu'on arrive de Mina, près de Masjid al-Khayf. Ensuite, il passe à la deuxième jamra, celle qui est au milieu. Et ensuite, la grande jamra, c'est celle qu'on appelle Jamratul Aqaba, et c'est celle qui est plus près de Mecca. Puis, il lance dans les bassins sept pierres, à la suite, une à la suite de l'autre. Et il lève sa main en lançant chaque pierre en disant Allahu Akbar. Et il faut absolument que la pierre tombe dans le bassin. Et le cheikh, il dit que si la pierre tombe dans le bassin puis qu'elle rebondit à l'extérieur, ça c'est pas grave. L'important c'est qu'elle rentre dans le bassin. Mais si elle ne tombe pas dans le bassin du tout, hein, comme si elle tombe sur le poteau au milieu et qu'elle sort à l'extérieur, ça compte pas. Il faut qu'elle tombe dans le bassin. Et si elle tombe pas dans le bassin, ça compte pas. Il faut reprendre une autre pierre puis recommencer. Le cheikh il dit ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم. Le cheikh il dit que pour les gens qui sont malades, les personnes âgées, les femmes enceintes ou les gens qui ont peur de la grande foule sur le chemin, alors il est permis pour eux de demander à quelqu'un de lancer les pierres pour eux à leur place. Donc le cheikh il explique ici que ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه ثم يبدأ برميها عن مستنيبه لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام والله أعلم. وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله. Le cheikh explique que la personne qui a été désignée pour lancer pour la personne qui est malade à sa place, donc il dit que il peut lancer les jamarat, les pierres sur les jamarat. Il commence par lancer pour lui-même, puis ensuite il lance pour la personne pour qui il lance après. Il n'est pas obligé de refaire tout ça à cause de la difficulté qu'il y a du fait qu'il y a beaucoup de de foule, il y a une grande foule, et il dit Wallahu a'lam, mais il dit que si la personne qui a été désignée pour lancer les pierres, il est en train de faire son hajj obligatoire, alors il doit commencer par faire lancer les jamarat pour lui-même en premier, il fait les trois en premier pour lui-même, puis après il repasse pour faire les jamarat pour la personne pour qui il le fait, qui n'était pas capable de le faire par lui-même. Après il dit ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر وهو أفضل لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. Donc le cheikh explique ici que lorsque la personne a terminé de lancer les jamarat le 12e jour de Dhul-Hijja, hein, donc il a lancé les jamarat le 11 et il a dormi à Mina, et le 12 après le Dhuhr il est allé lancer les jamarat, s'il veut il peut sortir et s'en aller. Il n'est pas obligé de rester à Mina encore tant qu'il quitte avant le coucher de soleil. S'il veut yani partir, il peut partir avant le coucher de soleil. Mais s'il veut rester un troisième jour et retarder, donc il a le droit de rester une troisième nuit à Mina et de lancer les jamarat encore un troisième jour aussi. Et ça c'est préférable, c'est-à-dire c'est préférable de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 203 dans surat al-Baqarah, dans l'explication, dans la traduction, et invoquer Allah pendant un nombre de jours déterminé, ensuite il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir au bout de deux jours, à s'attarder non plus et craignez Allah. C'est-à-dire, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir au bout de deux jours ou à s'attarder un jour de plus. Donc, il n'y a pas de problème. Celui qui veut partir après deux jours, il peut. Sinon, celui qui désire rester, il peut aussi. Et le cheikh explique par la suite, il dit que... Non, il dit... وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر لأن الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه واليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين والمرأة إذا حاضت أو نفست. Ok, ça on va expliquer ça après. Le cheikh il dit yani, lorsque le soleil s'est couché et qu'il n'a pas eu le temps de partir et de quitter Mina après le deuxième jour, il est obligé de rester de dormir une troisième nuit et de lancer les jamarat le 13 de Dhul-Hijja aussi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ, c'est-à-dire celui qui veut disons partir plus tôt durant les deux premiers jours. Et quand on dit an-nahar, quand on dit al-yawm, ça s'applique au jour, à la journée, durant le jour et non pas la nuit. Donc celui qui s'est fait attraper par la nuit après le coucher de soleil, eh ben il ne s'est pas précipité dans les deux premiers jours, et donc il doit rester une troisième nuit. Et le cheikh il dit والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفاء والمروة حتى تطهر حتى تطهر من حيضها ونفاسها. Donc le cheikh explique que la femme qui a eu ses règles durant son hajj, soit qu'elle a eu ses règles avant de mettre l'ihram ou d'être en état d'ihram, ou bien elle a eu ses écoulements après l'accouchement, avant l'ihram, puis elle a fait l'ihram, ou bien elle a mis son ihram, lorsqu'elle a mis son ihram, elle était en état de pureté, puis par la suite elle a eu ses menstruations, ou bien elle a eu des écoulements postnataux après l'accouchement. Donc dans ce cas-là, elle est quand même muhrima. C'est-à-dire la pureté, c'est pas une condition d'être en état de pureté, c'est pas une condition pour pouvoir mettre l'ihram. Elle peut quand même mettre l'ihram même si elle a ses menstruations. Toutefois, elle fait tout ce que le hajj fait, c'est-à-dire tout ce que les hommes parmi les hujjaj doivent faire, elle le fait, comme par exemple de rester à Arafat, de dormir à Muzdalifah, de lancer les jamarat et de dormir à Mina. Tout ça elle le fait. La seule chose qu'elle ne peut pas faire, c'est de faire le tawaf et le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa jusqu'à ce qu'elle se purifie de ses menstruations ou de ses écoulements. Et elle dit walakin law quddira annaha tafat wa hiya tahira thumma nazala 'alayha al-hayd ba'da at-tawaf فإنها تسعى بين الصفاء والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك لأن السعي لا تشترط له الطهارة. Le cheikh il explique que si par exemple elle avait fait son tawaf et puis que elle était tout d'un coup elle a fait son tawaf, elle était en pureté, elle n'avait pas de menstruation, tout d'un coup après avoir terminé le tawaf ses menstruations sont commencées, alors dans ce cas-là, elle fait le sa'i entre Safa et Marwa, parce que pour le sa'i, c'est pas une condition d'être en état de pureté. C'est seulement pour le tawaf en fait. Donc si elle a déjà fait le tawaf en état de pureté, puis que par la suite ses menstruations sont commencées et elle doit faire le sa'i, donc dans ce cas-là, elle fait son sa'i entre Safa et Marwa. الشيخ الذي فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط، فإذا فرغ من كل أموره ولم يبقى إلا الركوب للسفر ليكون آخر عهده بالبيت، إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها فتسافر بدون وداع. كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. لشيخ الزي et si le hajj veut décide de voyager et de quitter Mecca et de retourner à son pays ou d'aller ailleurs, donc il ne quitte pas avant d'avoir fait son tawaf d'adieu, tawaf al-wada. Il faut que son dernier contact avec les terres saintes à Mecca soit avec la maison de la Kaaba. Il doit faire 7 tours autour de la Kaaba avant de partir. Il fait ça juste quand il lui reste uniquement à monter et à partir. C'est-à-dire il lui reste rien d'autre à faire à Mecca excepté ça, donc il va, il fait son tawaf d'adieu et il part, excepté la femme qui a ses menstruations. Elle n'est pas obligée de faire tawaf al-wada, elle peut voyager sans faire al-wada. Et ça c'est rapporté par un hadith selon Ibn Abbas qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné les gens a commandé aux gens que leur dernier contact, leur dernière chose qu'ils fassent à Mecca soit de faire tawaf al-wada, c'est-à-dire de faire un tawaf autour de la Kaaba. et il a donné disons, il a allégé la chose pour les femmes qui ont la menstruation, c'est-à-dire elles peuvent quitter sans avoir à faire tawaf al-wada, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وفي رواية عنه قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة رواه أحمد. Le cheikh il dit que dans une autre narration c'est rapporté que les gens s'en allaient de tous côtés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ne partez pas jusqu'à ce que vous ayez fait votre dernière visite de la Kaaba, c'est-à-dire de faire le dernier tawaf. Ça c'est rapporté par Ahmad, Muslim, Abu Daoud et Ibn Majah. Et selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux femmes qui ont leur menstruation de partir avant de faire le tawaf du moment qu'elles avaient déjà fait tawaf al-ifada. Donc si elles ont fait tawaf al-ifada le jour de l'Eid, donc elles pouvaient partir sans faire tawaf al-wada, sans faire le tawaf d'adieu. Ça c'est rapporté selon Ahmed. Et après il dit le cheikh, وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت حيضتها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال فلتنفر. Donc ça c'est متفق عليه. Le cheikh il dit que Aisha radiallahu anha elle a dit que Safiya, la fille de Huyay, a eu ses menstruations après avoir fait tawaf al-ifada. Et elle a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit qu'elle avait ses menstruations. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'elle va nous retenir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'elle va nous retenir? Et Aïcha a dit au messager d'Allah, elle a déjà fait tawaf al-ifada. Elle a fait le tawaf autour de la Kaaba. Et par la suite, elle a eu ses règles après avoir fait tawaf al-ifada. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors dans ce cas, qu'elle quitte avec nous. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ça c'est les règles qui ont rapport avec qu'est-ce qu'on fait dans les derniers jours du Hajj qu'on appelle Ayyam al-Tashriq, et aussi les jours de Tawaf al-Wada, le dernier Tawaf d'adieu qu'on doit faire. D'accord. Donc maintenant on va expliquer l'autre chapitre qui suit. C'est Ahkam al-Hadi wal-Udhiya, les règles en ce qui concerne les offrandes et les sacrifices. Donc le cheikh il dit ici, Babun fi Ahkam al-Hadi wal-Udhiya, donc les sacrifices, les offrandes et les sacrifices. Al-Hadi ma yuhda lil-Haram ويذبح فيه من نعم وغيرها سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية بضم الهمز وكسرها ما يذبح يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله وأجمع المسلمون على مشروعيتهما. قال العلامة ابن القيم القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. انتهى. Le cheikh explique que Al-Hadi c'est qu'est-ce qu'on offre au haram, hein, et qu'est-ce qu'on sacrifie à cet endroit-là, c'est-à-dire à Mecca. Et c'est qu'est-ce qu'on sacrifie de bêtes et d'animaux. Et on l'appelle comme ça parce que c'est comme une offrande qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-udhiya, c'est qu'est-ce qu'on égorge comme animaux pour le jour de Eid ou les jours de Tashriq comme un moyen de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les musulmans sont réunis tous là-dessus sur le fait que c'est permis et que ça fait partie de la charia. وقال العلامة للغران سافان ابن القيم الجوزية il dit que القربان ce qu'on appelle القربان c'est un moyen de se rapprocher à Allah, c'est الأضحية, et on le يعني en fait c'est comme une expiation يعني pour ceux qui méritent يعني par exemple pour ceux qui ont des fautes à expier ou des trucs comme ça, donc ils font qu'est-ce qu'on appelle الأضحية. Et il dit que ça prend la comme ça vient comme une expiation. Et il dit que il mentionne le verset 34 dans sourate Al-Hajj, hein, comme exemple ou comme référence à ce sujet-là. Non. Cheikh, il dit à chaque communauté nous avons assigné un rite sacrificiel, ainsi qu'il prononce le nom d'Allah sur la bête de chapelle. Qu'il leur a attribué. Et donc, le cheikh, il dit que, il continue les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, il dit que, donc, le sacrifice des offrandes et des rituels et tout ça, est de faire couler, iraqat dima ala ismillah, de faire couler le sang sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça a toujours été quelque chose qui a été légiféré dans toutes les religions. Et même on le voit dans la religion de Moïse et la religion de tous les prophètes. Même Isa alayhi salam à son époque, hein, il le faisait. Et ça n'a pas été aboli, ces principes-là et ces règles-là dans la religion, excepté par Paul et ceux qui ont déformé la religion de Isa alayhi salam. Wa afdalul hadi al-ibil thumma al-baqar إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ثم الغنم وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولا يجزئ إلا جزع الضأن وهو ما تم له ستة أشهر والثني وهو والثاني مما سواه من البقر من إبل وبقر ومعز والثاني من الإبل ما تم له 5 سنين ومن البقر ما تم له 2 سنين ومن المعز ما تم له 1 سنة. Donc le cheikh explique ici. Et il dit que qu'est-ce qui est préférable parmi les offrandes qu'on donne, c'est la chamelle, sinon la vache. Ça, c'est lorsqu'on la donne ou lorsqu'on la sacrifie en entier, parce qu'elle a une grande valeur, puis ça coûte cher. Donc tout ce qui coûte de plus en plus cher, eh ben c'est meilleur comme sacrifice, et c'est plus bénéfique aussi pour les pauvres, parce qu'ils ont plus de viande. Puis par la suite, les moutons. Ok. Et Cheikh, il mentionne le verset dans Sourate Al-Hajj, encore une fois, le même verset. Dans Sourate 32, c'est pas le même verset, c'est le verset 32 dans Sourate Al-Hajj. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ce qui signifie: voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en fait de la piété des cœurs. C'est-à-dire que du fait d'égorger un animal plus gros et qui coûte plus cher, eh ben c'est comme si ça montre en fait qu'on exalte Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. par les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que si on veut égorger un agneau, il faut qu'il soit au moins de 6 mois. Et si c'est pour d'autres que l'agneau, alors dans ce cas-là, il faut que ce soit qu'est-ce qu'on appelle athani, soit du chameau, de la vache ou des moutons. Et donc athani pour le chameau, c'est celui qui a complété 5 ans. Et pour la vache, c'est celui qui a complété 2 ans, ou celle qui a complété 2 ans, la vache qui a complété 2 ans. Et pour la brebis, c'est qu'est-ce qui a complété 1 an, c'est celle qui a complété une année complète. وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن 7 لقول جابر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة رواه مسلم. وقال أبو أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة. الشيخ explique, il dit ici que si tu sacrifies une brebis, ça c'est suffisant pour une personne dans les offrandes. Toutefois, dans les sacrifices, dans l'Udhiya pour l'Eid, ça suffit pour une famille et la personne et sa famille. Ça c'est pour l'Udhiya. Et tujzi'ul badana, si tu égorges un chameau ou une vache pour les offrandes ou pour les sacrifices, eh ben ça compte pour 7 personnes. Ça compte pour 7 personnes parce que c'est basé sur le hadith de Jabir dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de s'associer pour les chameaux et les vaches et de calculer 7 personnes. D'accord ? Donc on calcule 7 personnes. Et ça c'est rapporté par Muslim, par l'imam Muslim. Et Abu Ayyub radiyallahu anhu, il a dit que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme égorgeait ou sacrifiait une brebis pour lui-même et sa famille, et ils en mangeaient et ils en donnaient à manger pour les autres. Donc ça c'est rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi et il est déclaré sahih. Et le cheikh il dit que ash-shat afdal, donc de sacrifier une brebis, c'est mieux que de donner un septième d'une vache ou de donner un septième d'un chameau ou d'une chamelle. Et ensuite il dit wala yujzi'u fil hadi من الأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء والهزال ولا تجزئ العورة بينة العور أو نعم ولا العمياء ولا العجفة وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا العرجة التي لا تطيق المشي مع الصحيحة ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا الجداء والجدنا والتي نشف درعها من اللبن بسبب كبر سنها ولا المريضة البين مرضها. أوكي. ولحديث البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 لا تجوز فيه في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقى رواه أبو داود والنسائي. Ok, ici maintenant le cheikh il explique les conditions de l'animal qui doit être sacrifié. C'est-à-dire que quand on offre un sacrifice ou une offrande, il faut absolument que l'animal soit exempt de toute maladie ou d'imperfection ou de faiblesse ou de vieillesse. Donc si tu offres un animal qui est borgne, ou bien pas borgne, mais qui a seulement un seul œil, ou qui voit, ou bien qui est aveugle, ça compte pas. De même que si tu donnes un animal qui est trop vieux, ou qui est trop vieux, ou qui est tellement vieux qu'il donne plus de lait, ou des trucs comme ça, ou bien qui a des cornes cassées, ou bien qui ne peut pas marcher normalement avec les autres animaux, donc ça compte pas non plus. Il faut, ou bien celle qui est malade aussi, puis qu'on peut clairement voir sa maladie, donc ça compte pas. Et le cheikh il mentionne le hadith de Abu Daoud et de An-Nasa'i à ce sujet-là, qui est rapporté selon Al-Bara ibn Azib, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il a dit que 4 ne sont pas permis dans les adahi. Il a mentionné celle qui n'a pas d'yeux, celle qui est malade, celle qui n'a plus de lait parce qu'elle est trop vieille, et il a mentionné donc celle qui a perdu ses cornes ou des trucs comme ça. Donc tout ça c'est des règles pour que notre sacrifice soit valable. Il faut que l'animal soit en bonne santé, puis parmi les animaux qui sont forts et qui sont pas malades, etc. وقت ذبح الهدي والهدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح. Il dit que le temps pour égorger le sacrifice et l'offrande l'offrande de tamattu et le sacrifice pour celui qui sacrifie le jour de l'Aïd, c'est après la prière de l'Aïd jusqu'au troisième jour de Tashriq. Hein, les trois nuits qu'on dort à Mecca, bon, on est jusqu'à ces trois jours-là pour égorger. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ هَدِيهِ إِذَا كَانَ هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدى ويهدي ويتصدق أثلاثا نعم لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا أما هدي الجبران وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب فلا يأكل منه شيئا. Le cheikh il dit que il est recommandé de manger une partie de notre offrande, hein, que ce soit l'offrande pour le tamattu ou le qiran, ou bien que ce soit le sacrifice pour le Eid. Donc il en donne une partie, il fait cadeau d'une autre partie. Donc il la divise en trois. Il part une partie pour lui, il en donne une partie à des amis, et il en donne sadaqa pour les pauvres, un tiers. Donc, il le divise en trois. Et pour les autres offrandes qui sont faites pour expiation, qu'on appelle al-jubran, ça c'est lorsque quelqu'un a fait quelque chose qui vient, disons, briser son ihram, son état d'ihram, ou bien lorsqu'il a abandonné un pilier, pas un pilier, mais lorsqu'il a abandonné une des obligations du hajj. Alors dans ce cas-là, il sacrifie un animal, ça on appelle Jubran. Hein, et c'est obligatoire pour lui de donner cette viande-là à des pauvres, et il n'a pas le droit de rien en manger. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي فَإِنَّهُ إِذَا دَخَلَتْ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ لَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا إلى ذبح الأضحية لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله ولا فدية عليه. Le cheikh explique ici, il dit Celui qui veut égorger, sacrifier un animal pour l'Eid, et lorsque le mois de Dhul-Hijjah commence, les 10 premiers jours, eh bien, il ne doit pas couper de ses cheveux, de ses ongles ou rien de ça, jusqu'à ce qu'il ait sacrifié ou égorgé le sacrifice. Et ça, c'est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam muslim, qui dit lorsque les 10 jours de lors des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, si l'un d'entre vous veut sacrifier un animal, alors qu'il ne prenne rien de ses cheveux ni de ses ongles jusqu'à ce qu'il ait égorgé son sacrifice. Et s'il fait quelque chose de ça, par exemple s'il coupe ses cheveux ou ses ongles durant ces 10 jours-là, alors il demande pardon à Allah et il n'a pas d'expiation à donner. Non. Et aussi, il y a une chose à mentionner au sujet du fait de du Hajj. Souvent, après le Hajj, le cheikh il n'a pas mentionné ça dans le livre. Toutefois, après le Hajj, parfois, il y a des gens qui vont pour visiter Al-Madina Al-Munawara, Al-Madina Al-Nabawiya. Et ils vont, parfois, ils pensent qu'il faut qu'ils fassent ça et que s'ils ne le font pas, leur Hajj ne sera pas accepté. Et ça, bien entendu, ce n'est pas vrai. Il y a des hadiths qui sont mentionnés qui sont fabriqué à ce sujet-là, comme par exemple le hadith qui dit man hajja wa lam yazurni faqad jafani, ou des choses de ce genre. Et ça, bien entendu, c'est pas authentique du tout, c'est complètement fabriqué, ça n'a rien de vrai. Et il y en a aussi parmi les soufis qui insistent sur le fait d'aller visiter la tombe elle-même, hein, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas permis de faire des voyages pour visiter des tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid » C'est-à-dire, on ne doit pas faire de voyage excepté pour visiter trois mosquées. Et il a mentionné la mosquée Al-Haram à Mecca et sa mosquée à Médine et la mosquée de Al-Aqsa. Donc, le but de la visite, c'est pas de visiter la tombe, mais c'est de visiter la mosquée elle-même pour prier dedans et faire des adorations. Et il y a des gens de Bid'a parmi les soufis, hein, des Qubouriyin qui adorent les tombes, et eux, ils mentionnent des hadiths qui sont aussi fabriqués et faibles, et qui disent que, par exemple, « Manzarani », hein, ils attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole suivante en disant « Celui qui « Manzarani manzara qabri ba'dama mati faka'annahu zarani fi hayati » C'est-à-dire, celui qui visite ma tombe après ma mort, alors c'est comme s'il m'a visité durant ma vie. Et ça aussi, c'est absolument faux. Et c'est mentionné dans des hadiths faibles et fabriqués. Et des fois, vous les trouvez dans les livres de fiqh. Hein, et c'est souvent des soufis à qui ont mentionné ces hadiths-là dans leurs livres, sans mentionner le degré ni la faiblesse le fait que ces hadiths-là sont faux et fabriqués. Donc ça, c'est dans les livres des soufis qu'on les retrouve, et donc c'est à faire attention, hein, parce que le but, comme on a dit, c'est de visiter la mosquée elle-même et non pas la tombe de quelqu'un parmi les prophètes ou les sahaba ou autres. Donc juste un rappel comme ça à ce sujet-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.